le film, moi, il m'a bien vu. Oui, mais il était pas marrant. Oh, comment il était pas marrant? Il avait du fond. Quoi? Il avait du fond. Ah, oui. Bonjour, bonsoir et bienvenue dans la salle 5. Et comme d'habitude, je suis avec Victor. Bonjour Victor, comment ça va? Bonjour Jade, ça va très bien et toi? Doucement mais sûrement, on va dire. Ce mois-ci, il était un peu dur. D'ailleurs, je vais en parler tout de suite avant qu'on fasse des blagues et qu'on parle de trucs plus légers. Chose très importante et à regarder, peut-être un peu difficile, mais quand même importante à voir et à écouter. Si vous l'avez toujours pas vu, je vous conseille très fortement d'aller regarder le témoignage d'Adèle Haenel sur la chaîne YouTube de Mediapart. Voilà, ça dure 1h30 et ça peut être difficile à voir et à prendre, quoi. Enfin, à take-in, mais c'est important. Donc voilà, maintenant on peut on pourra parler de trucs plus légers, mais je trouve ça important d'en parler quand même. J'espère que vous êtes bien installés dans votre siège numéro 42, parce qu'aujourd'hui, comme à chaque fin de mois, on rattrape le mois de novembre. Oh, oh, ça va commencer. T'es prêt? Prêt. Popcorn? Présent. Nachos? Au fromage? Méga soda avec paille géante? Salut toi. Il est peut-être temps qu'on fasse un nouveau film. Bonne idée, Scooby. Mais faut d'abord faire une bande-annonce. Oh, oh, tu peux faire la voix off de la bande-annonce. D'accord, et je me lance. Dans un monde dévasté par les forces... J'adore ma vie. Je t'aime tellement, Gary. J'oublierai jamais le jour où on s'est rencontrés. Bonjour, petit escargot, comment tu t'appelles? Gary, hein? Tu veux qu'on soit copains? Moi aussi. Je suis rentré, Garounet. En tant qu'exécuteur testamentaire d'Adrian, je suis tenu de vous lire une déclaration rédigée de sa main. Cécilia, je sais que notre relation a connu des moments difficiles, mais je pensais que tu essaierais de me parler au lieu de fuir. Ça va aller? Vous ne dites pas! Qu'est-ce qui lui est arrivé? Il s'est ouvert les veines. Selon ses dernières volontés, vous recevrez 5 millions de dollars. Mais il y a bien sûr une petite condition. Vous ne devez pas être déclaré mentalement inapte. C'est complètement absurde. Quoi? Adrian se serait jamais suicidé. Écoute, t'as retrouvé ta liberté, c'est ça qui compte. Le laisse pas te hanter. Y a quelqu'un? Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé plein de choses. Plein de choses ce mois-ci. Mini coup de gueule, parce que au final je m'en fous un peu, mais quand même c'est un peu dérangeant. Est-ce que tu as vu ce qui allait être toute l'histoire qu'il y a eu autour de James Dean? Oui. Est-ce que tu sais ce qui de quoi ça parle, de qu'est-ce qui se passe? Eh ben, que dire à part que on va ressusciter les morts, malheureusement. C'est... Je trouve ça. C'est malsain et glauque. Pour et les besoins d'un film de guerre, qui une production américaine d'un film de guerre. Sur la guerre du Vietnam. Sur la guerre du Vietnam, il y a 12 000 acteurs jeunes qu'on pourrait engager. Et Hollywood ne sait pas. N'a rien d'autre de mieux à imaginer que de dire et si on recopiait numériquement James Dean? C'est trop Black Mirror le congrès tout ça! Non mais le pire c'est que, alors c'est pour un film sur la guerre du Vietnam qui s'appelait Finding Jack, c'est un truc avec des chiens et tout, j'ai pas trop suivi le synopsis, bref, et il y a deux réals. En fait c'est James Dean qui va faire le chien. Mais non mais c'est genre un gars qui sauve je sais pas combien de chiens d'être envoyé à la mort, enfin bref, c'est oh trop mignon des chiens. Ça va être aussi triste que Marley et moi. Sûrement. Donc c'est deux réals, Anton Ernst et Tati Golic. Alors désolé si je... Tati si Golic. Je... Tati, comme Tati le magasin. Ah. Golic, G-O-L-Y-K-H. Donc je sais pas comment ça se prononce. Bref, désolé, mais de toute façon vous êtes un petit peu des cons. Ils ont acheté les droits de l'image de Dean à sa famille, qui apparemment les soutient à 100%, sachant que sa famille, c'est donc ses héritiers, entre guillemets. Et c'est genre les petits-enfants de son cousin, si j'ai bien compris. Parce que c'est son cousin qui avait hérité de ses biens. Donc du coup, les personnes qui y restent, c'est les descendants de son cousin. Donc, et bah c'est chaud. Imagine, tu meurs. Et des années après, des gens veulent utiliser ton image et les seules personnes qui ont quelque chose à dire sur ça, c'est des gens que t'as même pas connus, qui t'ont même pas connu, qui sont genre des cousins super germains, pas lointains, enfin bref, c'est chelou. Donc ils veulent recréer une version réaliste de l'acteur en utilisant des images d'archives et de la CGI, ce à quoi un acteur autre prêtera sa voix. Ils disent... On a cherché la personne parfaite pour le rôle de Rogan, donc le personnage, ce qui est très complexe, et après des mois de recherche parmi tous les acteurs blancs d'Hollywood, on s'est décidé sur James Dean. Parce qu'apparemment personne d'autre n'était disponible, ce qui est faux. On est très honorés que sa famille nous soutienne et nous prendrons les précautions nécessaires à ne pas entacher son héritage et son image, et l'image d'un des plus grands acteurs. Soit, ok, il y a beaucoup de gens qui ont gueulé, beaucoup de gens, dont beaucoup d'acteurs et tout, je pense à Chris Evans, c'est le premier qui vient en tête, qui a tweeté sur ce sujet. Beaucoup trouvent ça beaucoup irrespectueux, et moi, j'en fais partie, je trouve, parce que, en gros, tu utilises l'image de quelqu'un qui est mort, je me suis cogné contre le micro, quelqu'un qui est mort sans son consentement, en plus, du coup, enfin, je sais pas, c'est un peu... glauque, surtout que vraiment, mais vraiment, tu vas pas me dire qu'il y a personne d'autre qui peut jouer ce rôle. Bah, ok, surtout... James Dean, c'est genre James Dean. Non, mais des acteurs qui ressemblent à James Dean. Ben, t'as... Personne ne sera jamais James Dean, mais qui lui ressemble, il y en a plein. Tu peux prendre genre Alden... Je vois pas de Alden Ehrenreich, je m'excuse, mec. Alden. Le mec qui joue solo dans... Oui, ouais. Dans Solo. Oui, mais puis, enfin, même, en vrai, si c'est juste pour jouer un gars qui... Un troufion de l'armée. Mais voilà, qui recueille des chiens, enfin, t'as pas besoin de forcément... Surtout qu'en plus, il va y avoir un autre acteur qui va faire sa voix, donc pourquoi ils ont pas pris... Enfin, bref. Donc voilà, c'était mon mini coup de gueule, qui ne sert à rien, parce qu'au final, ils vont quand même le faire, donc voilà, mais c'était juste... Juste comme ça. Un truc un peu plus joyeux. Je sais, Victor, que tu adores Equalizer avec Denzel Washington. Ah. Ben, devine quoi. Il y a un 3. Non, il n'y a pas un 3. Mais savais-tu que Equalizer s'était adapté d'une série des années 80. Il y avait Steve Buscemi dans un épisode. Oh, sérieux, je ne savais pas. Eh bien, il va y avoir un reboot de cette série avec, attention, roulement de tambour, Queen Latifah en Equalizer. Ça va être trop bien. Et elle coproduit la série et elle va être le personnage principal du coup. Elle fait quoi par ça maintenant, Queen Latifah? Je crois qu'elle est productrice et elle joue dans quelques trucs pas super connus, blockbuster et tout, mais je crois qu'elle joue dans quelques trucs, genre des séries, des trucs comme ça. En parlant de reboot de série. Oh. Là, ça va être la nostalgie du poulet frite, devant le trésor sur TF1. L'un des deux frères de Supernatural, Jared Padalecki. On sent que j'ai regardé Supernatural dans ma jeunesse. Il va reprendre un mythe, le dimanche trésor TF1. Si je te dis musique country, chapeau Stetson et valeur républicaine hardcore. Oh, Walker Texas Ranger. Mais en plus, en vrai. Ouais, Walker Texas Ranger. Ouais, Jared Padalecki et tous les. Et l'autre, Jensen Ackles de Supernatural, ils sont un peu beaucoup droite. Yes, les Texans. Yes, les cowboys et tout. Donc, mais c'est vrai que je savais pas, mais... Et bah, ouais, alors, yes, ça ne voudra pas l'indétrônable Chuck. Non, bah non, ça sera jamais Chuck Norris. Mais tu sais, c'est comme le reboot de Magnum, hein. Ah oui, c'est vrai. Ça continue encore et encore, mais qui regarde ça, je sais pas, hein, franchement. Je crois que le seul reboot correct qu'ils ont fait, c'était L'Arme Fatale, que je trouvais très chouette. Mes parents, ils regardent à la télé, c'est avec le mec de Ma Famille d'Abord. Ouais. Mes parents, ils regardent. Et Sean Williams. Dans la saison 3. Scott, ouais. Stifler, on t'oublie pas. Et le mec de Southland Tales, surtout. Oui. Moi, je m'en souviens que pour ça. Donc voilà, reboot série de Equalizer avec Queen Latifah en Equalizer. Et moi j'ai trop hâte parce que j'adore Queen Latifah. En espérant qu'il fasse aussi un Equalizer 3. Bah sûrement. Est-ce qu'il a marché le 2? Je sais pas, mais moi j'avais kiffé le 2. Moi, Mais il suffit. c'est vraiment. Moi, enfin, j'ai pas vu le 2, j'avais vu le 1, mais c'est vraiment les films d'action que je kiffe, quoi. Enfin, Le 2, qui se prend alors. pas trop la tête et tout, et c'est Le juste 2. boum boum, des explosions, des guns et Denzel Washington. Denzel Que demande le Washington en peuple? gros mec de droite. Ah! Qui passe son temps à faire des regards. Parce qu'il est maintenant dans le 2. C'est le petit aparté Equalizer, mais Bah, bon. écoute, c'est pour ça que j'ai sorti cette info. Il est chauffeur Lyft. Ah Et il bah oui, conduit. l'ubérisation! Voilà, il conduit plein de gens. Et en fait, il conduit des gens méchants. C'est Taxi Et Driver, quoi. résultat. Sur 2 heures de film, t'as au moins 100 plans de rétroviseur avec le regard Ah vénère de Denzel. bah oui. Et il te fait. Il est après. Non seulement il y a ça, mais il y a aussi Denzel le grand frère. Parce qu'il va prendre sous son aile. Il va graisser les gueules des gens dans la rue. Il va prendre sous son aile un gamin un peu sur le virage de la délinquance, on pourrait Ah dire ouais. ça, qui est joué par le gamin qui joue Chiron dans Moonlight. Ah, trop bien. Moi, c'est vraiment la scène incroyable que je savais que j'adorais ce film-là. En gros, t'as Denzel. Il va récupérer le gamin chez des gangsters, enfin chez les jeunes là-haut qui sont des Ouais. gangsters. Il les récupère, il fait quelques punchlines, il n'y a pas de bagarre ou quoi, il va juste le récupérer. Et les mecs, ils disent, ok, c'est cool, pas de problème. Et voilà. Jusque-là, tout va bien. Jusque-là, tout va bien. Là, t'as le Denzel, il lui fait un petit ton paternaliste en mode, t'aurais pas dû rencontrer ces gens-là, c'est pas bien. T'as Sharon, il fait, ah ouais, écoute, c'est pas bien, écoute, merci. Et là, t'as Denzel, il sort son flingue, il fait, quoi? Il sort son flingue, il fait, quoi? Tu pensais que moi aussi j'étais un ami? Tu pensais que j'allais te faire confiance? Putain, le coup de pression pour Et rien, là, quoi. voilà, c'est ça, c'est pour lui dire, allez, c'est tout, c'est pas grave, c'était pour te montrer qu'il fallait pas faire confiance à n'importe qui. Ah, l'ascenseur, voilà, c'est comme ça qu'on éduque ses Voilà, enfants. et donc Quelle là, belle Denzel leçon, le grand Denzel. frère, moi je Ah, suis là, putain. genre. Mais ça va être quoi s'il y a un 3? Putain, il Alors. va bolosser des gamins random dans la rue. Ah ouais, il y a ce climax final incroyable où Attention, me dis pas qu'il y en Denzel a c'est 3. Dieu, où il tabasse tout le monde Bah écoute. dans une ville. À la John Wick. Non, c'est genre 5 gars, t'as Denzel qui est en haut sous les toits, et en fait, c'est une ville qui est en pleine tempête, donc il n'y a plus personne hormis le méchant, 5-10 de ses hommes Sbire, de ses ouais. sbires. Et Denzel qui est en mode méga dieu et qui va tabasser tout le monde. Ça a l'air trop bien, faut que je la regarde. Je regarderai ça. Donc voilà, série Equalizer. Et Une autre Walker. personne, et Walker Texas Ranger, que j'avais déjà oublié cette info. Une autre personne qu'on aime beaucoup, et non ce n'est pas The Rock, et non ce n'est pas Keanu Reeves, c'est Nicolas Cage. Nicolas Cage va se jouer lui-même, apparemment, dans un film qui s'appellera The Unbearable Weight of Massive Talent, un film plutôt méta, attention, ça fait réfléchir, qui raconte l'histoire de Nicolas Cage, qui galère à trouver un nouveau rôle, ce qui est un peu ironique parce qu'il revit un peu une nouvelle apogée maintenant. Dans l'histoire, il veut jouer dans un film de Tarantino, mais il n'y arrive pas, et en même temps il galère parce qu'il a des dettes et il a une relation un peu tendue avec sa fille qui est adolescente et tout, et du coup, pour régler ses dettes, pour régler ses problèmes d'argent, il va se mettre à il va apparaître à l'anniversaire d'un milliardaire mexicain qui est fan de lui. Donc il va jouer son propre rôle dans un film dans lequel il joue son propre rôle. Attention, j'espère que vous suivez. Le problème, c'est que le mexicain, évidemment, c'est un mexicain. On est à Hollywood, les mexicains, c'est quoi? C'est des barons de la drogue. Donc le mexicain baron de la drogue, il a kidnappé la fille du futur président mexicain. Du coup, Nicolas Cage, il est recruté par la CIA pour récolter des infos et pouvoir sauver la fille du président mexicain, J'ai du rien futur compris. président mexicain. En gros, Nicolas Cage se joue lui-même dans un film. Le film, l'histoire, c'est Nicolas Cage qui galère parce qu'il a des dettes et en même temps il a une relation moyenne avec sa fille. Pour régler ses dettes, il va apparaître à l'anniversaire d'un milliardaire mexicain, fan de Nicolas Cage. Ok. Ce milliardaire mexicain, c'est un baron de la drogue qui a kidnappé la fille du futur président. Et du coup, Nicolas Cage, il est embauché par la CIA pour leur fournir des infos sur ce mec, pour savoir où se trouve cette fille. Donc en gros, Ok. Nicolas Cage va sauver le monde. Okay. En gros, c'est ça. Et voilà. Donc, je sais pas quoi dire sur ce film. Ça va exister. Je sais pas à quoi en penser. Ok, voilà. Ça va être marrant, peut-être. J'en sais rien. C'est bon, je sais pas quoi dire sur ce truc. C'est Nicolas Cage qui joue Nicolas Cage, que veux-tu? De toute façon, Nicolas Cage il fera jamais mieux que son personnage dans... J'ai oublié le nom, c'est Laure et Lula, avec sa magnifique veste en peau de croco. Info suivante, Robocop Returns, la suite du film de Verhoeven, donc... qui va arriver je ne sais pas quand parce que je n'ai pas les dates, sera réalisé. Alors, est-ce que tu savais qu'il allait avoir une suite de Robocop? Parce qu'il y a eu mille reboots, mille machins. Ouais. Il va y avoir là une suite directe au film de Verhoeven qui date de il y a longtemps. Et le réal, ça sera Abe Forsyth, dont j'avais parlé, je crois que j'en avais parlé dans le rattrapage d'avant, peut-être. C'est le mec qui a réalisé Little Monsters. Avec Lupita Nyong'o. Oui, le film de zombies où elle est prof et elle joue du ukulélé, qui est trop bien. Si j'en ai pas parlé, ben j'en parle maintenant. Allez le voir. Et donc voilà, ça sera réalisé par Abe Forsyth. J'ai pas vu ce qu'il a fait d'autre à part Little Monsters, donc à voir. Moi, en tout cas, moi je suis assez hypée parce que j'aime bien Robocop et j'aime bien. Enfin, c'est intéressant de tout ce dont ça pourra parler maintenant de nos jours par rapport à ce que ça. Tu m'as compris. Le sujet risque d'être intéressant et du coup si c'est bien fait ça peut être vachement cool. On en a déjà parlé plusieurs fois dans d'autres rattrapages en parlant de Tom Holland qui va jouer dans le live action de Uncharted qui va peut-être voir un jour le jour, on sait pas. C'est Tom Holland qui va jouer Nathan Drake qui dans le jeu vidéo est un adulte, un mec adulte de la trentaine, on va dire 20-30 ans. Donc forcément, comme c'est Tom Holland, on se doute que c'est un préquel, donc il est plus jeune. Et ils ont trouvé l'acteur qui va jouer Sully. Alors Sully, normalement, c'est un peu le mentor. Le monstre bleu qui fait peur à vous. Exactement. Non. Donc bref, dans le jeu, Sully, c'est donc un vieux de la vieille qui fume le cigare et tout, et qui met des chemises hawaïennes. Et du coup, comme c'est un préquel, il sera plus jeune, et il va être joué par qui? Je vous le donne en mille. Marky Mark. Comment le perdre. Voilà, ce sera en vrai. Alors, je m'y attendais vraiment pas à ce choix, parce que... D'où, enfin, même plus jeune, je trouve qu'il lui ressemble pas, mais ça peut être cool. Voir le duo de copains Tom Holland, Marky Mark, ouais. Franchement, ça me hype. Moi, un petit j'ai peu. Juste envie de voir Marky Mark. Marky Wahlberg, exactement. Qui fait le gros bully dans votre. Hein, c'est à moi que tu parles, bro. Mais c'est pas un bully en plus, il est trop sympa, mais il est un peu. Il est un peu en mode. Il fume son cigare, il crache sa fumée. Ah, puis... ah oui, ouais, mais du coup, le personnage, il est pas vraiment comme ça. Il est un peu genre, il fume son cigare, il crache la fumée, il fait, regarde la nana là-bas, elle est bonne, hein, tu vois. Mais il est quand même un peu gentil. D'ailleurs, je vais y revenir après Uncharted. Est-ce que t'as d'autres news hollywoodiennes, cinéma indépendant, cinéma en général, qui te viennent à l'esprit? Eh ben, ça va être le point. Cinéma indépendant, et on commence le point Oscar top. Oh oui, c'est vrai qu'on on va y venir bientôt. Récompense bientôt. Parce que c'est vrai qu'on disait dans l'ancien rattrapage, la saison des awards, elle commence. Et là, alors, avant les Oscars, il y aura toujours... Independent Spirit Awards, qui récompense le cinéma indépendant que... On pourrait aussi retrouver aux Oscars. Oui. Et là, les nominations sont tombées. Ah, vas-y, dis-nous. Alors, déjà, on va commencer par meilleur film. Il y a alors un que je ne connais pas, j'en ai jamais entendu parler, c'est Clemency. Je n'ai pas plus d'infos là-dessus. Le ou la réelle? Tu l'as pas? Il n'y a pas de... Non, je n'ai bon, pas bah, la réelle. Bon, si vous savez, mais... envoyez-nous un message. Dites-nous. Nous avons L'Adieu, The Farewell. Ah oui, il faut que je le vois. Avec Awkwafina. Awkwafina. De... Comment elle s'appelle la réelle? J'ai oublié. C'est pas Lily... Alors, je connais son @Twitter, mais ça n'aide pas beaucoup. Lily Wong? C'est pas c'est ça. Ouais, ça ressemble. C'est un truc comme ça. Marriage Story de Noah Baumbach. Oui. Que vous retrouverez... bientôt sur Netflix. Avec Adam Driver et Scarlett Johansson. Uncut Gems de Frère Savdi avec Adam Sandler. Une vie cachée de Terrence Malick. Chef-d'œuvre incontesté. Je l'ai déjà vu avant tout le monde et c'est incroyable. Ensuite, en meilleur réalisateur, alors ben, il y a les frères Safdie, bien sûr. Robert Eggers pour The Lighthouse, qui a pas mal de nominations. Cool. Meilleur acteur, Robert Oui. Pattinson. Yes. Meilleur acteur, dans un second rôle, Willem Dafoe. Laurence Carafia, la réalisatrice du génial Queens Faut que je le voie, Hustlers, et en Hustlers version en originale. anglais, Faut est que je le nommée. voie. Avec la magnifique Jennifer Lopez et Constance Wu. On Et re... une seconde de l'ISO. Il y a Elizabeth Moss pour Earthmell, Ah oui, c'est vrai. Adam San... mon gars sûr Adam Sandler pour Uncut Uncut James. James. Jennifer Lopez est en second rôle. Ah, trop bien. Second rôle, elle est pas principale. Ah bah non, c'est Constance Wu C'est la Constance principale, Wu, quoi. ouais. On retrouve Shia LaBeouf et Noah Jupe qui Oh, est pour Honey Honey Boy, Boy. faut que je le Noah voie. Jupe qui est dans mon film coup de cœur de ce mois-ci. Oh. Honey Boy qui est désormais le film préféré ever de tout Brockhampton. J'ai l'impression qu'ils Ah n'arrêtent pas ouais. d'en parler et du coup j'ai encore plus envie de le voir. Et instant Ouh là là, il s'est, attention, Cocorico. il s'est retourné sur sa chaise. Instant Cocorico, au meilleur film étranger, on a deux films français, un Portrait. moins bien et un autre chef-d'œuvre Chef-d'œuvre. absolu. Un dont on a déjà parlé dans cette émission, qui est Le Portrait de la jeune Ah fille en oui, feu, mon top 1 de chef-d'œuvre toute la vie. absolu de On l'année. reparle d'Adèle Haenel, mais allez voir ce pur chef-d'œuvre. Franchement, il est magnifique ce film. Et un autre film moins bien, que hein, ça me fait un peu chier qu'il va représenter la France aux Oscars. On sait ce que je pense? Ce n'est pas le film du gars Le en film interdit? RP, c'est pas le Ouais, gars, non. c'est pas C'est le film quoi de du coup? RP, c'est Les Misérables de Ladjili. Ah, je l'ai pas vu moi. Et Mais je sais de quoi ça parle et. Enfin, ça m'étonne pas qu'il soit dans les nominations et c'est peut-être cool. Peu importe non, la qualité du j'ai film. pas envie qu'on Non, mais pense qu'on te juste rage, pour le mais sujet, tu vois. non, même pour le sujet, Je sais non, pas, je l'ai pas vu. j'ai pas envie, Je. j'ai pas envie que ça. Attention, les gens, vous pensez que tu es de droite, Victor. Oh bah. Je ne l'ai pas vu, je ne me prononce pas. Meilleur premier film, on retrouve aussi Booksmart. Ah oui, j'avais vu ça. J'avais vu. J'espère que elle va le remporter. Attention, Super Hero Corner, je vais peut-être faire un jingle parce que j'ai, comme à chaque fois, j'ai des infos de MCU, DCU, tout ça. Il y a Disney+ qui est arrivé. Voilà, c'est tout, c'est la seule info. Juste pour dire que du coup, les séries MCU, tout ça, vont arriver aussi What if, dans Loki. quelques années. Mais il y a eu cette annonce qui est que les frères Russo vont produire une série documentaire sur les relations entre Marvel et DC. Donc moi, je suis assez hypée parce qu'il y a des trucs vachement intéressants. Mais du coup, comme c'est les frères Russo qui sont chez Marvel, enfin chez Marvel Studios Disney et Ciné, chez Disney. j'espère que ça sera pas trop biaisé et trop Oh bah pro-Marvel. tu sais, pour ceux qui pensent que Robert Downey Jr. devrait avoir un Oscar pour ça, ce serait vraiment étonnant qu'il soit biaisé. Ah oui, mais du coup, enfin, j'ai quand même un petit espoir que ce soit pas trop biaisé, pas trop pro-Marvel, parce que même si j'adore Marvel de tout mon cœur. Les relations et les rivalités et les connexions qu'il y a pu avoir entre Marvel Studio, Marvel Comics et DC Comics, c'est vachement intéressant. Il y a des trucs super intéressants. Rien que une seule anecdote qui me vient en tête, c'est la création du personnage de Swamp Thing chez DC et Man-Thing chez Marvel, qui sont le même personnage et qui en fait a été créé par deux colocs. Et en fait, il y en a un qui l'a fait chez Marvel et un autre qui l'a fait chez DC. Mais c'est le même perso. Ok. Et il y a plein de petits trucs comme ça. Et voilà, c'est adapté d'un livre qui raconte les 50 ans de bataille, entre guillemets, entre Marvel et DC. Un livre de Reed Tucker de 2017. Et le documentaire s'appellera Slugfest et le premier épisode sera le 6 avril de l'année prochaine en Amérique, donc en France aussi je suppose parce qu'on a Disney Plus Au mars. en ah bah oui en... bah du coup oui ça sera bon et donc voilà j'espère oui j'espère que ce sera pas trop pro Marvel et j'espère aussi que ce sera pas que mais après comme c'est basé sur le livre et sur les 50 ans ça parlera des comics et en plus du cinéma je suppose. Mais moi j'ai hâte parce que je trouve que ça peut être. Si c'est bien fait, si c'est pas trop. Et nous on est les meilleurs chez Marvel, et ben ça peut être vachement intéressant. Victor, Disney Plus, t'as un truc à dire ? Disney Plus, moi j'ai un petit coup de gueule, hein, et ça va être. Moi j'ai un énorme coup de gueule. Ça va être notre point. Le point Simpson. Ah. Moi je suis un peu scandalisé. Mais c'est chez Disney les Simpsons maintenant ? Bah ouais, parce que c'est la Fox et. Ah oui, c'est vrai que la Fox ont, Disney, tout est Disney. Et ils ont l'intégrale des Simpsons. Enfin, l'intégrale, un très grand mot, hein. Parce qu'ils ont coupé le ratio. Ah oui, des j'ai épisodes vu. Et résultat, ben, les gags visuels peuvent passer à la trappe. Ouais. Et c'est. En plus, c'est nul, pourquoi changer de ratio ? Bah ouais. On vit dans une époque où tous les ratios sont possibles, alors laissez le ratio original, quoi. Enfin, bref. Moi, j'ai un autre coup de gueule, c'est que le film Sky High, il n'est pas disponible jusqu'au 1er décembre 2020, et c'est inadmissible. voilà. Ah, ouais, ok, c'est inadmissible. Attends, 2020, 2020 okay. 1er décembre 2020. Ah, ok, c'est ce que j'ai dit. Wow, non, c'est dans un an. Inadmissible, c'est dans 3 et c'est dans 2 jours. Non, c'est dans un an, c'est incroyable. Mais du coup, ça fera un beau cadeau de Noël. du coup, pour continuer sur Marvel, et Disney Plus en même temps, la série She-Hulk va être scénarisée par Jessica Gao, qui était scénariste sur Rick et Morty, notamment l'épisode de Pickle Rick. Hein? Mais je trouve ça vachement cool déjà qu'ils aient donné le scénario à une meuf pour une série sur She-Hulk. Et en plus, bon, on peut dire ce qu'on veut sur Rick et Morty, tout ça, mais c'est quand même, d'après les gens qui ont regardé, une pure série, très bien écrite et tout, du coup c'est un gage de qualité pour She-Hulk. Une autre série, la série Loki. News casting, Sofia Di Martino, que je ne connais pas, mais voilà, a été castée dans la série Loki pour apparemment, attention à prendre avec des pincettes, jouer Lady Loki, ce qui est super cool parce que du coup ça peut vouloir dire que la série va explorer la fluidité de genre de Loki et je trouve ça vachement bien. Et pour retourner au film MCU, Ant-Man 3. A trouvé son réal en la personne de Peyton Reed qui avait réalisé les deux premiers, donc ils n'ont pas cherché bien loin. Mais alors je sais pas si c'est des rumeurs du fan, des trucs fan-made ou pas, mais apparemment le 3 introduirait la fille de Ant-Man qui s'appelle Cassie Lang, qui est donc stature et qui fait partie des Young Avengers, et Dieu sait que tout le monde sait que je crève d'envie d'avoir une série ou un film Young Avengers, et du coup c'est une nouvelle petite porte d'entrée vers ce monde et je suis ravie. Spider-Man, mais pas n'importe quel Spider-Man Into the Spider-Verse, la suite elle arrive et je suis refaite en 2022, c'est dans assez longtemps, mais du coup ça me donne une raison de continuer à vivre jusqu'à 2022 parmi toutes ces choses horribles qui se passent en ce moment. Et de Spider-Man Into the Spider-Verse. Vas-y. Ça va être transition parfaite, à moins qu'il y ait d'autres news en rab. Mais j'ai un petit point The Batman après. Mais on peut enclencher sur le coin bande-annonce parce que j'ai une transition. Vas-y. La bande-annonce de quoi est parue un des plus grands héros de notre époque, un personnage jaune et carré qui vit dans un nain coin. Bob l'éponge le film, et on voit que ça a fait des émules parce que si je te fais voir, alors c'est de la radio. Mais c'est... alors on vous explique du coup le visuel. Alors là, Victor, sur la télé, il me met la bande annonce. Alors là, c'est pas la bonne. C'est pas la bonne, mais on mais va moi, la voir. La bande annonce de Bob l'éponge, Bob le film. L'éponge 3. Bob l'éponge 3, putain, 3, il y a eu deux films. Ouais. C'est dans lequel où il y a les dauphins dieux là. C'est dans le 2. Ah bah j'ai vu le 2. Ça m'a traumatisé parce qu'en plus il y a zéro musique à ce moment-là et c'est super flippant. Ça m'a trop marqué. C'est et trop à la flippant. Fin ils font un Epic Rap Battle of History. Ah ça je m'en et souviens. Et c'est plus. Vraiment les mecs d'Epic Rap Battle of History. Oh, qui... donc là il y a la pub, la pub de Noël. Donc là pendant regarde l'animation et tu vois que ça a fait un peu des émules. Moi ça me fait j'avoue beaucoup que penser à Spider-Verse. Grosse qualité. Ouais, c'est très proche du dessin animé original, mais en même temps, il y a un petit truc en plus. Ah, c'est vachement beau. C'est les mêmes studios qui avaient fait les premiers ? Non, ouais, pas du tout. Je pense, je sais pas, je pense qu'ils ont juste changé. C'est mais vachement dans beau. Le premier film, c'était comme le dessin animé original. Oui, ouais. Et le 2, ça alternait c'était un peu en plus fait. En 3D, il y avait une partie en 2D et une partie en 3D. Les dauphins, ouais. Du coup, c'était en 3D un peu effrayant. Et là, ouais, maintenant, c'est en 3D beau. Façon... C'est vachement bien poli et tout. Donc du coup, voilà, comme vous voyez pas, on vous invite à aller voir à la bande-annonce de Bob l'éponge. Là, attention, il y a une voiture hot dog, enfin en Krabby Patty. Waouh, c'est trop beau, il y a des lumières partout. Bref, voilà. Et il y a Awkwafina et Keanu Reeves. Et Keanu Reeves qui joue une tumbleweed, je sais pas comment on dit en français. C'est pas une boule de... Une boule de paille, ouais. Une boule de poussière. Bref, il y a sa tête qui apparaît dedans, c'est fantastique. je reviens vite fait, du coup, Into the Spider-Verse, suite en 2022, il y aura des nouveaux Spider-Man, du coup, dedans. Il y aura des nouvelles versions de Spider-Man, ce sera plus celles qu'on a vues dans le premier, ce sera, enfin, en plus que celles qu'on a vues dans le premier, peut-être, je sais pas, on n'a pas encore le pitch, tout ça, bref. Petit point, vite fait, casting The Batman, parce que Robert Pattinson en Batman, on le sait, Zoe Kravitz en Catwoman, Selina Kyle, peut-être pas Selina Kyle, peut-être une autre, mais bref, en Catwoman, on le sait. Paul Dano en Riddler. L'homme mystère, The Riddler, on le sait. Est-ce qu'on l'avait dit? Je sais pas. Est-ce qu'on le savait déjà quand on a fait l'ancien rattrapage? Colin Farrell en Pingouin, avec le blessing de Danny DeVito, qui a dit qu'il trouve qu'il ferait un pingouin chamé. Il a dit ces mots, chamé. Jeffrey Wright en Commissaire Gordon. Chamé. Dans quoi on a pu le voir, Jeffrey Wright? Dans Westworld, non? Alors, dans Westworld, dans Broken Flowers de Jim Jarmusch, dans plein de films de Jim Jarmusch, en fait. Voilà. Dans Hunger Games, il est dans Hunger Games aussi, dans la part dans le 2. Et le dernier en date annoncé, John Turturro en Don Falcon, Carmine Falcon, le Romain aussi, c'est un autre de ses surnoms. Personnage que je ne connaissais pas trop, donc j'ai fait des petites recherches. Mais ça promet que des BG dans ce cast. Bande-annonce, alors on vous a parlé de Bob l'éponge, la bande-annonce. Notre petite bande-annonce d'animation, Scoob, point d'exclamation, qui apparemment explorera les origines du Scooby Gang. Là aussi encore une animation un peu en 3D mignonne, je trouve, à la Bob l'éponge. Et putain, alors... D'où un chien, ça va dans une salle de cinéma. Oui, non, mais attends, on rappelle le premier film Scooby-Doo, meilleur film du monde, meilleure chose de Scooby-Doo qui existe, où Scooby se déguise, entre gros guillemets, en femme pour aller dans l'avion, et c'est juste un chien géant avec un chapeau et une robe. Et c'est en mode, c'est ma grand-mère et tout. Meilleur film avec Freddie Prinze Jr. qui nous manque. On retrouve au casting vocal Sarah-Michelle Gellar. On retrouve Gina Rodriguez en Vera. Zac Efron? Ouais, il fait Fred. Il fait Fred. Oh. Je me demandais avec une amie il y a pas longtemps qu'est-ce qu'il devenait Zac Efron, et ben elle va être ravie quand je vais lui apprendre. Will Forte va faire Sammy. Et Scooby? C'est toujours le même, je sais plus son nom, mais c'est le doubleur de Scooby-Doo depuis toujours. Ah ok. Et Daphné du coup, ce sera, j'ai oublié. J'ai pas fait mes recherches, j'ai oublié. Est-ce que t'as une autre bande-annonce d'animation? Du coup, on vous invite à aller voir la bande-annonce de Sonic. Ah oui, il y a eu le parce que le revamp de Sonic. Le bullying sur Twitter, ça paye malheureusement. Malheureusement, ça paye. Mais voilà. Donc un nouveau Sonic. Ouais. Je m'en fous. Avec en fait, la VF de en VF Malik Bentala pour faire Sonic. Moi, je trouve ça un bon choix. Ouais, j'avoue. Je m'en fous un peu de ce film, honnêtement. Je vois pas l'intérêt de faire un film Sonic, en fait. Non. Non. Rendez-vous chez les Malawas de Jeff Scott. Bon, on a déjà parlé dans l'ancien rattrapage, oui, en plus, il me semble. Là, il y a la nouvelle bourde-annonce avec des vannes. Ah bah, allez voir ça. Et c'est avec plus de détails dans l'histoire. Et tu vois que ce projet... Apparemment, ça a encore changé, l'histoire, non? Ça a encore changé, parce qu'à la base, c'était des comédiens de comics ultra populaires qui devaient jouer leur propre rôle. Oui, à l'image de Nicolas Cage. Et voilà, on y revient. Et là, non, ils jouent tous des caricatures. Donc la comédie de Noël. Attention. Christian Clavier joue un présentateur de 20h, Ramsey, une star du stand-up. Véro Lavetto. Ouais. Véro Lavetto pour Si Je Décide, et Michael Youn, une star du foot. Alors, ça me choquera toujours autant, je sais que c'est très visuel, mais... et que... personne n'a cette référence, mais Michael Youn, c'est le sosie de mon cousin, et ça me chamboule. J'ai pas la... Ça me chamboule. Bah, tu vois, Michael Youn, c'est mon cousin, bref. Et ça a l'air horrible. Ça a l'air horrible, il y a des... Mais alors... c'est la comédie de Noël, apparemment. Christian Clavier qui débarque, et qui dit... alors, j'ai fait mon invitation de Christian Clavier, mais... Elle nous manquait tellement. Non, mais enfin, on est atterri chez les Maboules. Voilà. Yes. Voilà, ça a l'air incroyable. Une autre bande-annonce, la bande-annonce de L'Homme Invisible, direct plus sérieux. qui, je sais pas ce que t'en penses, mais moi ça me hype beaucoup parce que ça a l'air d'aborder, enfin de d'utiliser le procédé. Oh, c'est un acteur de Scam. Alors désolé. Désolé Victor. J'allais dire oh le Pacino parce que. Et donc ça a l'air d'utiliser le procédé de L'Homme Invisible pour parler de rapport de force, de violence et de comment dire, d'invisibilisation de ce rapport de force, justement. Je sais pas si j'arrive bien à m'exprimer parce que ça a été un mois très dur, et une matinée très dure. Bah, c'est à dire qu'il se cache, enfin, ça c'est cache à dire même pas. Bah oui, non, mais je trouve ça. Un film, un film petite blague. Mais je trouve ça vachement intéressant de... Alors, j'ai pas vu l'original, donc peut-être que ça aborde les mêmes sujets. Absolument pas. Voilà. Le film de... Mais du coup, je trouve ça intéressant de reprendre cette idée pour aborder des sujets pas plus actuels, parce que ça a toujours existé, mais dont on parle plus aujourd'hui. Bah, en fait, c'est marrant que tu dis ça parce que. Le film, l'original, c'est direct beaucoup plus sérieux. On passe des mois voilà à ça quoi. Le film de James Whale, il me semble, dans les années 30. Oui, peut-être. C'était un film à Universal Monsters qui veulent se réapproprier. Voilà, un film effrayant avec l'homme invisible. Ouais. Je suis l'homme invisible, je fais des conneries. C'est vraiment ça en plus. Ça, j'aime bien. Victor qui pitch un film. Alors bonjour, je voudrais réaliser un film. C'est un mec, on le voit pas, et il fait peur, et puis il dit ouh, je suis l'homme invisible. Et bon, alors que Paul Verhoeven en a fait un remake que je n'ai pas vu. Je savais pas. Avec Kevin Bacon. Et là, justement, ça parlait de ça. Ça parlait de ça aussi. Ah, mais Verhoeven en plus, il a le chic pour parler de sujets brûlants, on va dire. Et donc, avec, on en parlait, Elisabeth. Elisabeth Moss dans le rôle de la meuf de l'homme invisible, ouais. Du coup. Et le pitch, c'est que en gros, elle est dans une relation toxique avec ce mec qui est un fou, le pervers narcissique, sociopathe et tout, qui l'abuse psychologiquement. Et elle essaie de s'en sortir. Et si j'ai bien compris la bande-annonce, il se suicide, mais reste quand même là en homme invisible, du coup. Et du coup, personne ne la croit parce que personne ne le voit. Et ça fait écho au truc de personne très, très, très, très, très souvent. Personne ne croit jamais les meufs parce qu'on ne voit généralement pas de l'extérieur la menace ou le truc que les personnes dans des situations comme ça vivent. Et du coup, ça relie à une autre info, peut-être un peu moins... voilà. Elizabeth Banks travaille en tant que réelle et actrice sur la réadaptation du film de 1940, La Femme Invisible, qui cette fois-ci raconte l'histoire d'une mannequin qui devient invisible et en profite pour se venger de son boss horrible qui l'abuse encore une fois psychologiquement et tout, qui profite d'elle et tout. Et en plus, y a des gangsters dans l'histoire. Bon, ça c'est pas très... Voilà. Et apparemment, ce serait un mix entre Thelma et Louise et American Psycho. Alors moi, je suis très hypée parce que j'adore Elizabeth Banks, donc voilà. Ouais, en espérant que ça marche aussi bien. Alors, que sur Charlie's Angel. Je suis trop énervée qu'il ne marche pas parce que je l'ai vu et il est trop, trop, tu trop l'as bien. Vu, le film. Oui, je l'ai vu. Alors, je ne te dirai pas comment. C'est j'ai très compris. Légal. T'es allé jusqu'aux États-Unis, oui, en fait, et t'as pas voulu j'ai, dire. C'est, ouais, j'ai beaucoup voyagé. C'est pour ça que je dis que ce mois était compliqué, c'est parce que j'ai beaucoup voyagé. C'est faux. Non, mais je trouve qu'il est. Il est trop bien, enfin, c'est un super film d'action et tout. Les personnages, elles sont super attachantes. Kristen Stewart, je t'aime, épouse-moi. Son personnage, il est trop marrant et tout. Elizabeth Banks, il y a des twists. Enfin, c'est pas prise de tête. Et en même temps, il y a des petits bouts de. Bon, c'est pas ça ouvre ça enfonce des portes ouvertes, tu vois. Mais il y a des petits bouts de. Réactualisation qui est un peu c'est frais et léger quoi. Il y a pas Bill Murray en tenue de tyrolien qui fait de ouais, la corde. Et puis tu vois que c'est réalisé par une meuf parce que c'est pas genre un mec qui joue à la poupée avec ses personnages, même si elles ont 1000 tenues, elles ont des magnifiques robes à paillettes et tout, c'est pas Mel Gaze à fond du genre regarde son cul et tout, enfin tu vois. Ouais, mais et c'est quand même charmé les Charlie's Angels de Mike G. Bah il y a du Sidhu dedans et moi je l'aime de son cœur, mais ça me dérange toujours quand je le regarde maintenant, mais je le trouve super bien, donc quand il sortira allez le voir pour lui faire ne serait-ce qu'un petit peu décembre. D'entrée. En plus, à Noël, quel magnifique cadeau de Noël. Si je peux, j'irai le voir au cinéma. Ben voilà, c'est tout. Ça a été très long, ces news et ces bandes-annonces. Est-ce qu'on passerait pas à nos petites recos du mois? Oui. Allez, on passe à nos recos du mois. C'est la solution de tous nos problèmes. Jim, c'est impossible, on ne pourra jamais... Je ne me souviens plus de toutes ces histoires. C'est tout ce qu'elles étaient, des histoires. Vic, Victor, t'as ou tes recommandations ? Quelles sont-elles ? Une seule. Et ah, attention, vas-y. Attachez vos ceintures. Accrochez-vous. Accrochez-vous, mettez la vitesse, mettez-vous en première vitesse pour décoller. Parce qu'aujourd'hui, on va être sur l'autoroute du chef-d'œuvre du classicisme américain. Si je vous dis les 24 heures du Mans. Les gens vont vraiment croire que t'es de droite, par contre. Alors. J'ai pas vu le film, c'est une blague. Les films à tendance patriotique américain, à tendance un peu droitard, je l'avoue, ont quand même tendance à être les meilleurs films américains que j'ai vus ces dernières années. Donc, est-ce qu'il ne faudrait pas être de droite pour être Ageli? Je vous donne 4 heures pour répondre. Mon dieu. Je ne me prononcerai pas. Et, enfin bref. Oui, bref. Surtout que ce n'est même pas un film de droite. C'est marrant parce que une de mes recommandations, c'est totalement à l'opposé de ce que tu viens de dire. Mais j'ai pas vu le film. Clairement pas un film de droite. C'est un film de papa. C'est un film à l'ancienne. Ouais. Le Mans 66 de James Mangold. Encore une fois, James Mangold, réalisateur de Logan, film que j'adore, de Wolverine, le combat de l'immortel. Que j'aime moi-même. Que j'aime beaucoup, personnellement. Je préfère Logan. De Walk the Line. Joaquin Phoenix. Le Joker. Non, arrête, Joaquin Phoenix. Le mec dans A Beautiful Day. Allez, voir A Beautiful Night Day. Night and Day avec Tom Cruise, Mendes, qui était chouette. À l'époque. Copland avec Stallone. Ah, oh, je sais pas. Et une vie volée, le film avec Winona Ryder et Angelina Jolie dans un asile. Gia. C'est Girl Interrupt. Oui. Et voilà, donc sacré CV hein, pour le bonhomme. Et là, il nous parle de quoi ? Je sais pas que c'était James Mangold. Oui, il nous raconte quoi, James Mangold ? Il nous raconte comment ? Les voitures. Le combat entre le titre original du film, Ford et Ferrari, ouais, aux 24 heures du Mans en 1966. Et en fait, le film, pendant 2h30, c'est du classicisme absolu, c'est une narration simple, claire, mais pour autant complexe dans les enjeux, parce que on suit la petite guéguerre entre Ferrari et Ford, pour savoir qui a la plus grosse voiture. C'est vraiment un combat de qui a la plus grosse en fait. Voilà, c'est ça, titre. Pour que Ford, qui est en faillite, puisse redorer son blason et devenir populaire à nouveau. Mmh. Et pour cela, ils vont engager deux personnes. Carroll Shelby, qui est devenu concessionnaire auto, mais qui avait gagné, qui était le seul Américain à avoir gagné les 24 heures du Mans. Et Ken Miles, vétéran de la Seconde Guerre mondiale, fanat de bagnole, expert en automobile, pilote de course authentique et casse-cou. Et ces deux-là vont être engagés par Ford pour faire la voiture qui va tout défoncer aux 24 heures du Mans. Et en fait, c'est là où les choses se compliquent. Et ben derrière la passion de l'artisanat de l'automobile se cache le marketing. Ah bah ouais. Les comme cadres, dans toutes les industries, les cadres qui veulent polir absolument les gros mots, le côté brut de décoffrage des voitures. Et il y a la guerre Ford-Ferrari, mais il y a aussi la guerre artisanat et... industrie. Peut-être. Et c'est des véritables conflits qui vont se mettre en jeu pendant 2h30. On ne les voit pas passer. C'est un film que je trouve remarquable et exceptionnel de sortir maintenant. Un film d'un classicisme à l'ancienne qui est... Tu vois que c'est fait main, quoi. Tu vois que c'est pas des effets numériques. Il y a des effets numériques, bien sûr. Oui, oui. Mais tu vois que c'est fait avec passion, avec panache. Mm. C'est ouf que la Fox, que Disney sorte ça. Alors, c'est la Fox. Oui. Maintenant, c'est Disney. Faut que j'arrête de poser cette question parce que la réponse c'est toujours oui de toute façon. Et c'est hallucinant de voir qu'ils sortent ce film. Alors qu'en fait, James Mangold ne s'en prive pas de le dire. C'est un film sur le cinéma aussi. Oui, bah en même temps, oui. Et sur toutes les industries. Et qui égratigne l'industrie de Disney. Oui. Et c'est un film où, en dehors de ça, c'est un film plein de panache. Les personnages sont super attachants. On retrouve Christian Bale et Matt Damon au casting, mais il y a plein de second rôles géniaux. Il y a John Bernthal, Tracy Letts, le gars Noah Jupe qui joue le fiston de Christian Bale. Oui, ouais, j'aime bien cet acteur. Et C'est 2h30 de régal. Et c'est vraiment un film où j'en sors. C'est comme j'en sors tout content. Je l'ai vu deux fois déjà. Oh là là. Et ben. Des films américains comme ça, on n'en fait plus. Et. Bof. Ouais. Et ça fait plaisir. Les scènes de bagnole aussi. Enfin, c'est aussi un film de gros, grand divertissement. Oh ouais, c'est vroom vroom. Et les scènes de bagnole sont. Est-ce que tu préfères les scènes de bagnole de ce film ou de Fast and Furious? Parce que dans ce film, il n'y a pas The Rock, hein. Ni Vin Diesel, ni Jason Statham. Mais... T'as pas l'accent de Jason Statham. Ah, je vais dire que je préfère une... Ah, je sais pas. Je passe mon tour. Désolé pour ce dilemme impossible. Bah voilà, Le Mans 66, allez le voir si ça vous intéresse et qu'il est toujours en salle ou achetez-le, je sais pas, voyez-le en VOD. En VOD. VOD. alors moi j'ai trois recos, je vais essayer d'aller très vite parce que ça fait très longtemps qu'on parle. Une reco série qui s'appelle Sunnyside, qui est, attention, une sitcom. Alors je déteste les sitcoms à la base, mais là c'est pas une sitcom genre avec des rires préenregistrés et des applaudissements et tout, donc ça passe mieux. Et en fait j'ai été attirée par cette série pour le cast, et aussi parce que c'est une série créée et produite par Kalpen. Alors Kalpen, c'est Kuttner, l'Indien de Dr. House, voilà, on sait tous, c'est lui qui était parti, qui avait travaillé avec Obama et qui est revenu. Et justement c'est marrant parce que l'histoire de la série, le pitch, en gros, c'est le personnage de Kalpen qui était... travaillait The Office, quoi. Enfin, ouais. Je sais pas comment on appelle ça en français. En gros, c'était un représentant de sa ville en politique. Et en fait, c'était un gros con. Enfin, genre, il travaillait jamais. Il faisait nimp et tout. C'était juste un beau parleur. Et un jour, il fait de la merde. Et il y a une vidéo de lui où il est bourré et il insulte des flics et tout, qui devient viral. Et du coup, il se fait virer. Ce qui arrive très peu dans leur vie, mais bon, ça n'aide pas qu'il soit indien. Et donc il se fait virer, il se retrouve, il a plus de job, il a plus d'argent, il doit partir de son appart et tout, il se retrouve à habiter chez sa sœur. Et pour gagner de l'argent, en fait, il va mettre une petite annonce où c'est en gros passer une journée avec un ancien politique, nanana et tout, parce que maintenant il est super connu sur internet, c'est un mème. Et il y a des gens qui l'engagent, il y a un groupe de gens qui l'engagent, pas pour passer la journée avec, mais pour qu'il les aide en fait à étudier pour leur examen pour avoir leur green card en gros. Et au départ il veut pas et tout, et après ils deviennent amis forcément, c'est cochon. Et c'est trop bien parce que tous les personnages sont super attachants, c'est un gros groupe. Donc il y a Kalpen, il y a les deux jumeaux qui sont joués par Poppy Liu et Joaquin Booster, qui sont des comédiens que j'adore, qui sont, eux, sont des jumeaux d'immigrants qui ont un père ultra riche et tout, et du coup toutes les questions de précarité et tout, ça leur passe au-dessus, mais ils sont super drôles, mais en même temps ils sont super attachants, et quand ils se rendent compte des problèmes qu'ont leurs potes et tout, ils sont toujours là pour les aider et tout, c'est trop marrant. Il y a un autre, comment il s'appelle Brady, qui est un immigrant hongrois je crois. Il y en a un qui s'appelle Hakim, qui était un docteur en Éthiopie, mais que maintenant qui est en Amérique, il voulait venir en Amérique parce que pour lui c'est le rêve américain, c'est trop bien, c'est waouh, l'Amérique, la nation de la liberté et tout. En fait, et il peut plus être docteur, et du coup bah il a le seum, mais en même temps il est trop content d'être là, et du coup il veut absolument avoir sa green card pour être docteur. Et il y a Griselda, qui est un peu la maman du groupe, c'est une je crois, alors je vais, elle vient d'Amérique latine pour pas dire de conneries, et genre elle a mille travail, elle travaille au bar, elle travaille, elle est femme de ménage, elle est trop bien, c'est une mère de famille adorable et tout, et c'est un peu la maman du groupe. Et en fait c'est pas tant l'histoire, enfin si l'histoire elle est intéressante et tout, mais c'est juste la dynamique qu'il y a entre eux qui est trop touchante, et en même temps ils sont super drôles. Normalement j'aime pas trop l'humour américain, mais là c'est pas pipi caca vomi, c'est marrant, pipi caca vomi. Moi je trouve pas ça drôle, désolé. Mais il y a des moments super marrants et tout, et il y a des moments aussi super chiants, genre dans le dernier épisode que j'ai vu, il y a Brady, ses potes d'université, de sa fraternité, ils veulent partir à Cabo pour le spring break, mais lui il peut pas, parce qu'il est sans papier techniquement, et il veut pas le dire à ses potes et tout. Et bref, au final, attention spoiler pour lire un épisode de Sunnyside, mais bon voilà, c'est pas, on s'en fout. Au final, comme il peut pas partir et qu'il est trop triste parce que lui il voulait trop vivre le Spring Break américain comme un vrai américain et tout, et ben tous les gens du groupe, donc les jumeaux, Calpen et tout le monde, ils vont lui organiser un Spring Break dans le bar, genre ils vont ramener du sable, ils vont mettre des petits palmiers et tout, ils vont même lui faire des cocktails, ils vont faire tout comme si c'était un vrai Spring Break et c'est trop mignon. Et voilà. C'est trop mignon, Spring Break. Non mais enfin oui. L'attention elle est trop mignonne et puis c'est juste c'est trop marrant et par contre alors, voilà pour ça que je disais que c'était totalement à l'opposé de ce que tu disais du cinéma de papa, du classicisme et tout, c'est que là c'est des histoires d'immigrants qui veulent avoir leur green card, qui veulent vivre dans cette belle Amérique un peu idéalisée et tout, mais qu'ils aiment quand même malgré tout. Et ce qui est un peu ironique, c'est que c'était une série NBC à la base, mais qui s'est fait dégager comme une merde après 2 ou 3 épisodes par une série que je hais, qui s'appelle Will and Grace, et qui est du coup sur Hulu maintenant et sur d'autres plateformes de streaming, mais qui s'est fait littéralement, alors c'est les mots d'un des acteurs de la série, de Joel Kim Booster, qui s'est fait littéralement coloniser par une série de blancs qui est là depuis des années et des années et des années, et qui en plus n'est pas ouf, mais ça c'est mon avis. Donc voilà, il reste quelques épisodes, ça va encore durer quelques semaines. Je sais pas si du coup il y aura une saison 2 sur les plateformes de streaming. Je pense pas, mais en tout cas franchement, je vous le conseille fortement. C'est vraiment pas prise de tête, c'est sympa, c'est marrant, c'est touchant, ça fait plaisir le vendredi soir quand on rentre après une journée de travail. De Roku Gaming, je vais essayer d'aller encore plus vite, mais je ne sais pas si vous connaissez Troy Baker et Nolan North, si vous vous intéressez aux jeux vidéo, vous les connaissez certainement, vous connaissez peut-être pas leur nom, mais vous connaissez très certainement leur voix et peut-être leur visage, parce que ce sont des très grands comédiens et comédiens de doublage dans le monde du jeu vidéo, Troy Baker étant le meilleur, c'est mon chouchou, je l'aime de tout mon cœur. C'est Joel dans The Last of Us, c'est Delzin dans Infamous Second Son, il a joué le Joker dans certains Batman, il a joué quoi ? Il joue dans Death Stranding, dont je vais reparler, il a joué dans plein de trucs, il a fait des voix dans Centro, dans Mafia, nanana. Nolan North, c'est Nathan Drake dans Uncharted, il a fait des voix dans The Last of Us aussi, un personnage dans The Last of Us, et ils ont une... c'est une double reco. Ils ont une émission sur YouTube qui s'appelle Retro Replay, dans laquelle ils jouent à des vieux jeux vidéo. Genre, ils ont joué au tout premier Spider-Man dans leur premier Spider-Man, c'est trop marrant. Et enfin, en fait, ils font surtout plein de digressions où ils racontent leur vie, ils parlent de l'univers, de la vie, de choses, des anecdotes qu'ils ont vécues à Hollywood. Ils parlent tout le temps de Christopher Walken, ils parlent de... Ils name-drop des gens, ils ont des anecdotes de fou, c'est trop bien, c'est trop marrant, et ils sont super touchants. Et... Alors que j'écrivais un papier sur Ellie de The Last of Us, parce que oui, j'écris des papiers dans des magazines, tout ça, bref, qu'est-ce qu'ils ont pas sorti sur leur chaîne ? Ils font un let's play de quoi ? De The Last of Us ! Parce que c'est qui joue dans The Last of Us ? C'est Troy Baker, et c'est qui a jamais joué à The Last of Us ? C'est Nolan North. Et du coup, ils font un let's play où Nolan joue pour la première fois à ce jeu. Et dedans, ils ont des invités qui ont fait partie du jeu ou pas. Dans le premier épisode, c'est Hannah Hayes qui avait joué Sarah. Ils vont avoir Ashley Johnson qui joue Ellie. Ils ont eu Brian Descartes, Connor de Detroit Become Human dans le deuxième épisode. Et c'est trop bien. Après, si vous n'aimez pas regarder les let's play, peut-être ce n'est pas pour vous. Mais c'est... ce qui dégage est super prenant, et ils sont super attachants, et ils sont super marrants et tout, et ils ont une camaraderie qui fait que c'est vachement cool à regarder, et en plus de les voir découvrir le jeu, et quand Troy il raconte des anecdotes de tournage sur The Last of Us que... Enfin, on savait pas qu'ils n'ont jamais été dites nulle part et tout, c'est cool de découvrir des nouvelles anecdotes et tout sur ce jeu. Et en attendant le prochain, c'est une bonne chose. Pour attendre le prochain, je fais des phrases à rallonge. Dernière recommandation, je viens de le dire, qui fait un peu débat parce qu'il y a plein de gens qui n'ont pas aimé ce jeu. Death Stranding, le dernier jeu de Hideo Kojima. 1000 caméos, 1000 personnes dedans, on sait, Guillermo del Toro, blablabla. Norman Reedus en personnage principal. Il y a Léa Seydoux aussi, il y a Troy Baker en méchant, Et c'est trop bien. Alors, c'est trop bien. Alors, j'ai pas trop envie de raconter trop en détail parce que c'est un truc très conceptuel. Et du coup, maintenant, je comprends pourquoi on bitait rien aux bandes annonces et tout. Parce que de découvrir au jour le jour et tout, enfin, au fur et à mesure du jeu, de découvrir l'histoire, c'est tout le but, tout le principe du jeu en fait. En gros, le concept, très vite fait, il y a eu un truc qui. Il y a eu un gros cataclysme, en gros, qui a détruit la moitié de la planète et qui a tué plein de gens. Et pour continuer à vivre et à survivre, il y a des coursiers, dont on en fait partie en tant que personnage que joué par Norman Reedus. En gros, on est un coursier FedEx, quoi. Et on doit faire des livraisons et en même temps reconnecter le monde à travers un réseau Wi-Fi, quoi, un réseau global. Et en gros, le concept, c'est ça. On doit faire des livraisons, reconnecter leur routeur et faire une autre livraison et tout. Et en même temps, du coup, on va en apprendre plus sur ce qui s'est passé. Et il y a des méchants, donc je vais pas retrouver Baker et tout, il y a des trucs avec des monstres et des blablabla. J'essaie de pas trop spoiler, c'est compliqué, mais voilà, il y a eu beaucoup de backlash, de revers de la médaille en disant que c'était chiant, parce que évidemment c'est un peu à l'image de Metal Gear où c'était de l'infiltration, où il n'y avait pas tant de combats que ça, il n'y a pas tant de combats que ça non plus au début du jeu. Et comme c'est un jeu très long, le début du jeu il est assez long. Et donc du coup c'est plus tu fais des livraisons et c'est très lent, c'est très doux, c'est très cinématique en fait. C'est très, t'as l'impression d'être dans un film. Et autant dans un film il y a du montage qui fait que tous les moments chiants de quand tu vas d'un endroit à un autre c'est coupé. Et là tu le vis. Et mais moi je trouve ça trop bien parce que je trouve ça super relaxant, c'est super immersif. La musique elle est magnifique et c'est en fait moi ce qui m'intéresse dans un jeu c'est l'histoire et là toute l'importance de ce jeu elle repose sur l'histoire plus que sur les mécaniques de jeu et du coup je trouve ça trop bien et voilà c'est tout ce que j'ai à dire, c'est tout, je vais m'arrêter là sinon je vais continuer pendant une heure et demie mais donc voilà, Death Stranding qui est disponible sur console et qui sera disponible sur PC l'année prochaine. Le Let's Play de The Last of Us de Troy Baker et Nolan North, Sunnyside en streaming maintenant et Le Mans 66 de James Mangold qui est encore au cinéma, je ne sais pas, oui. Qui est toujours au cinéma. Et ben voilà, c'était un très gros rattrapage. J'espère que vous avez appris des choses. Que si on a oublié des choses, envoyez-nous un message, dites-nous. Je ne sais pas, nous ne sommes pas des machines. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter, Victor, avant qu'on se quitte ? Non. Non ? Eh bien, on se dit au mois prochain, qui sera le mois de la période des fêtes. Alors, on vous réserve quelques petites surprises. Et à bientôt pour un prochain épisode. Au revoir ! I want more berries and that summer feeling. It's so wonderful and warm. Breathe me in, breathe me out. I don't know if I could ever go without. I'm just thinking out loud. I don't know if I could ever go without. Watermelon sugar high, watermelon sugar high, watermelon sugar high, watermelon sugar high. Sugar, strawberries on a summer evening. Baby, you're the end of June. I want your belly and that summer feeling. Getting washed away in you. Breathe me in, breathe me out. I don't know if I could ever go without. Watermelon sugar. It sounds just like a song. I want your belly and that summer feeling. I don't